Vous vous souvenez du matériel qu'il y avait quand vous êtes arrivé, Armel? Du matériel Oui. pour travailler pour tout. Pour tout, oui. Pour la terre, Ouais. pour la traite des vaches. Il Qu'est-ce qu'il y avait? y avait la machine à traire avec des pots. Déjà, Oui, quand vous êtes arrivé? il y avait une machine à traire. Mais il y avait Ah ça oui. partout déjà à l'époque. Oh oui, C'était en mais... 66. En 66? Oui. À partir du moment où l'électrification est Exactement, arrivée ça. dans les campagnes, Alors ça, oui. et on a, il y a donc une des premières choses qui a été achetée, c'était une treilleuse Ah électrique. oui. Ah oui, parce qu'à un moment, quand est-ce que l'électrification est arrivée ici? C'est 54, Ouais, oui, c'est dans ces pareil. eaux-là. Et alors, on avait tiré au sort l'ordre pour électrifier les Si. différents quartiers Ah bon? à Briec. Ouais. Ah bon? Bah oui, parce qu'on ne pouvait pas faire partout en même temps, donc Ouais. on avait décidé, voilà, on fait un tirage au sort. C'est Cabagno. Donc, quand vous êtes arrivé, il y avait... Tiens, on avait l'électricité et la machine, donc la machine à faire les trucs. D'accord. Oui. Parce que votre travail à vous consistait en quoi? Je faisais la traite, c'est toujours moi qui ai fait la traite. D'accord. Je donnais à boire aux veaux. Je m'occupais des animaux, des petits veaux et des grands veaux. Bon, sortais les vaches, rentrais les vaches, selon. Ouais. C'est surtout la traite de Fondarlourdes. Plus le travail à la maison. Plus le travail à la maison, la cuisine, les courses, le ménage, la lessive, en fait, tout ce qui va avec. Vous aviez votre permis. Oui, j'ai eu mon permis. Je ne l'avais pas quand je suis venu ici, mais je l'ai eu après.